à Paris. Bonjour Madame Rosa. Bonjour Mademoiselle Mireille. Ça va? Ça va. Au revoir. Au revoir Mademoiselle. Bonjour Madame Rosa. Bonjour Madame Rosa. Bonjour. Bonjour. Bonjour Madame Rosa. Bonjour. Bonjour Mademoiselle Mireille. Bonjour Mademoiselle Mireille. Mademoiselle Mireille. Mademoiselle Mireille. Bonjour Mademoiselle Mireille. Bonjour Mademoiselle Mireille. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va, ça va, ça va. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Qu'est-ce que Mireille parle? Français. Elle parle français. Mireille rencontre une amie, Colette. Mireille, viens Colette. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que tu vas? À la fac. Je suis pressée. Au revoir. Tiens Colette, bonjour. Tiens Colette. Je vais à la fac. Je suis pressée. Je vais à la fac. À la fac, à la fac. Je vais à la fac, je vais à la fac. Je suis pressé, je suis pressé, pressé. Je suis pressé. Je vais à la fac, je suis pressé. Je vais à la fac, je suis pressé. Où est-ce que Mireille va? À la fac. Mireille rencontre un ami, Hubert, sur le boulevard Saint-Michel. Hubert. Salut, ça va? Pas mal, et toi? Ça va. Où vas-tu comme ça? À la fac, et toi? Oh, moi... Non, je ne vais pas à la fac. Ah bon? Bon, excuse-moi, je suis passé. Au revoir. Au revoir. Tiens, Hubert. Salut, comment ça va? Salut, salut, salut. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Pas mal, et toi? Pas mal, pas mal, pas mal. Comment va Hubert? Pas mal. Je vais à la fac, et toi? Je vais à la fac, et toi? Je vais à la fac, et toi? Oh, moi, je ne vais pas à la fac. Moi, je ne vais pas à la fac. Je ne vais pas à la fac. Oh, moi, je ne vais pas à la fac. Est-ce qu'il va à la fac? Non, il ne va pas à la fac.